grand-père, parle-moi encore du déluge. Tu sais, lorsque Dieu a voulu tout détruire pour tout recommencer sur la terre. Tu as raison. Le déluge, c'est l'histoire que les hommes se racontent pour se rappeler que dans la vie, on peut toujours tout recommencer à zéro. Et que c'est Dieu lui-même qui nous a montré l'exemple. Car avant de tout détruire, il a demandé à Noé de sauver ce qui pouvait être encore sauvé. Noé était déjà bien vieux quand Dieu lui a dit « Fais-toi un grand bateau dans lequel tu feras monter deux animaux de chaque espèce, un mâle et une femelle. Tu y mettras aussi de la nourriture en grande quantité, car je vais faire tomber sur la terre toutes les eaux du ciel sans arrêt pendant 40 jours. » Waouh ! Les animaux, la nourriture ! Je te raconte pas la taille du bateau. En bois, petite fille, en bois le bateau. 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Un bâtiment de 3 étages. Mais les animaux, il a bien fallu les attraper pour les faire monter dans le bateau. Il semblerait que non. D'après l'histoire, ils sont venus tout seuls, de leur plein gré, comme si Dieu les avait convoqués. Mais ce ne fut pas une mince affaire pour charger à l'intérieur de l'arche 2 exemplaires de toutes ces bestioles. 7 jours, pas un de plus, pas un de moins pour y parvenir. La porte de l'arche, à peine fermée, voilà que la pluie commence à tomber. Il se met à pleuvoir des cordes, des trombes, des cataractes. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau partout, que de l'eau. Si bien que la terre disparaît sous l'eau avec tous ses habitants. Parce que les hommes avaient choisi la violence, la perversion, le mal, la guerre, la méchanceté, l'hypocrisie comme règle de vie, Dieu décide d'engloutir toute sa création sous les flots du déluge. Toutes ? Non, pas toutes. Car quelque part, au milieu du grand océan qui recouvrait la terre entière, un petit bout du monde flottait. L'arche de Noé. C'est exact, petite fille. L'arche de Noé. L'eau mit des jours et des jours à s'engouffrer dans le ventre de la terre. Et il a fallu de la patience à Noé, sa femme et ses enfants, avant que la première colombe puisse enfin se poser sur un arbre et ramener dans son bec le signe que Dieu avait calmé sa colère. Un rameau d'olivier. Terre, terre, s'écrièrent les habitants de l'arche. Terre, voici votre nouvelle terre, répondit Dieu. Elle est à vous pour l'éternité. Prenez-en soin. Et pendant qu'il parlait, on pouvait voir Dieu dessiner un arc-en-ciel au-dessus de l'arche. Alors Noé, sa famille et tous les animaux descendirent de l'arche et peuplèrent le nouveau monde. Moi aussi, ça m'arrive de voir un arc-en-ciel. Eh bien, à chaque fois, souviens-toi de Noé et de son arche. Car cet arc dans la nuée, eh bien, c'est le signe de l'alliance de Dieu avec les hommes, à jamais.